8. Je fais route avec Picard. Les Cosaques. Picard est blessé. Un convoi de prisonniers français. Halte dans une forêt. Hospitalité polonaise. Accès de folie. Nous rejoignons l'armée. L'empereur et le bataillon sacré. Passage de la Bérézina. Après la bataille de Malo-Jaroulavets, Picard n'avait plus vu le régiment dont il faisait partie, ayant été commandé de service pour escorter un convoi composé d'une portion des équipages du quartier impérial. Depuis ce jour, le détachement qu'il escortait avait toujours marché en avant de l'armée de 2 ou 3 journées, de sorte qu'il n'avait pas eu, à beaucoup près, autant de misère que l'armée. N'étant que 400 hommes, ils trouvaient quelquefois des vivres. Ils avaient aussi les moyens de transport. À Smolensk, ils avaient pu se procurer du biscuit et de la farine pour plusieurs jours. À Krasnoé, ils avaient eu le hasard d'arriver et de repartir 24 heures avant que les Russes, qui nous coupèrent la retraite, fussent arrivés. Et à Orka, ils purent encore se procurer de la farine. Dans un village, il se trouvait toujours assez d'habitations pour se mettre à l'abri, ne fût-ce que les maisons de poste établies de 3 lieues en 3 lieues, tandis que nous qui avions commencé par marcher plus de 150 000 hommes ensemble, dont il ne nous restait plus la moitié, nous n'avions pour toute habitation que les forêts et les marais, pour nourriture qu'un morceau de cheval, encore pas autant que l'on aurait voulu, et pour boisson de l'eau, et pas toujours. Enfin, la misère de mon vieux camarade ne commençait à compter que du moment où j'étais avec lui. Picard me dit que l'individu qui se trouvait couché à notre feu avait été blessé hier par des lanciers polonais, dans une attaque qui eut lieu à 3 heures de l'après-midi. Voici ce qu'il me conta. Plus de 600 Cosaques et d'autres cavaleries sont venus pour attaquer notre convoi, mais ils furent mal reçus, car nous étant abrités avec nos voitures formant un carré autour de nous, sur la route qui est très large en cet endroit, nous les laissâmes avancer assez près, de sorte qu'à la première décharge, 11 restèrent morts sur la neige. Un plus grand nombre fut blessé et emporté par leurs chevaux. Ils se sauvèrent mais furent rencontrés par des lanciers polonais, faisant partie du corps que commandait le général Dobranski, qui achevèrent de les mettre en déroute. Celui qui est là, couché, et qui a un coup de sabre sur la frimousse, a été ramené prisonnier par eux, ainsi que plusieurs autres. Mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont abandonné. Je lui dis que c'était probablement parce qu'il avait une balle qui lui traversait le corps. Et puis, que faire des prisonniers, puisque l'on n'avait rien pour les nourrir? Après le hurrah dont je viens de vous parler, continua Picard, il y a eu un peu de confusion. Tous ceux qui conduisaient les voitures pour traverser le défilé qui se trouve un peu avant d'arriver à la forêt voulaient passer les premiers pour arriver le plus vite possible dans le bois, afin d'être à l'abri d'un coup de main. Une partie des équipages que j'accompagnais, pensant bien faire, espérant trouver plus haut un passage, qui probablement n'existe pas, prit sur la gauche en marchant sur le bord du fond où nous sommes, mais la neige cachait une crevasse qui se trouvait sur notre passage, de manière que le premier caisson fit la culbute et roula en faisant un demi-tour, avec les 2 cognasses, dans l'endroit où nous sommes. Le reste des équipages a évité le même sort en faisant un demi-tour à gauche, mais je ne sais s'il est arrivé à bon port. Tant qu'à moi, l'on m'a laissé ici avec 2 chasseurs pour garder le diable de caisson, en nous disant que dans un moment, l'on enverrait des hommes et des chevaux pour le retirer, ou enlever ce qu'il contenait. Mais une heure après, comme il allait faire nuit, 9 hommes, des traîneurs de différents corps, passant justement de ce côté, ayant vu le caisson renversé et ne nous voyant que 3 pour le garder, l'enfoncèrent sous prétexte qu'il contenait des vivres, malgré tout ce que nous pûmes faire et dire pour les en empêcher. Lorsque nous vîmes que le mal était sans remède, nous fîmes comme eux, en prenant et mettant de côté tout ce qui pouvait nous tomber sous la main, pour le remettre ensuite à qui ça appartenait. Mais il était déjà trop tard, car tout ce qu'il y avait de convenable était pris, et les chevaux coupés en 20 morceaux. J'ai pourtant ce manteau blanc qui me servira. Ce que je n'ai pu comprendre, c'est que les 2 chasseurs qui étaient avec moi soient partis sans que je m'en aperçusse. Je dis à Picard que les hommes qui avaient pillé le caisson étaient de la grande armée, et que s'il leur avait demandé des nouvelles, ils auraient pu lui en dire autant, et même plus que moi. Après tout, mon pauvre Picard, ils ont bien fait d'emporter et de profiter de tout ce qui leur tombait sous la main, car dans un instant les Russes seront ici. Vous avez raison, me dit Picard. Aussi, je pense qu'il faut mettre nos armes en état. Il faut d'abord que je retrouve mon fusil, dis-je à Picard, car c'est la première fois que nous nous quittons. Il y a 6 ans que je le porte, et je le connais si bien qu'à toute heure de la nuit, au milieu des faisceaux d'armes, en le touchant, ou au bruit qu'il fait en tombant, je le reconnais. Comme il n'était pas tombé de neige pendant la nuit, j'eus le bonheur de le retrouver. Il est vrai que Picard me suivait en m'éclairant avec un morceau de bois résineux. Après avoir arrangé notre chaussure, chose qu'il fallait soigner, afin de mieux marcher et de ne pas avoir les pieds gelés, nous fîmes rôtir un morceau de viande de cheval dont Picard avait eu soin de faire une ample provision. Et après avoir mangé et pris pour boisson un peu de neige à l'eau de vie, nous prîmes encore chacun un morceau de viande que Picard mit sur son sac, et moi dans ma carnassière. Et debout devant notre feu, nous nous chauffâmes les mains sans rien nous dire, mais pensant chacun de notre côté à ce que nous devions faire. « Ah ça !» dit le vieux brave, « voyons de quel côté allons-nous tirer nos guêtres ?»« Mais, lui dis-je, j'ai toujours cette infernale musique dans les oreilles. Nous nous sommes peut-être trompés, cela pourrait bien être la Diane, ou le réveil des grenadiers à cheval de chez nous. Vous connaissez bien l'air, fillette auprès des amoureux, tenez bien votre sérieux, etc. » J'interrompis Picard en lui disant que depuis plus de 15 jours, la Diane, ainsi que le réveil du matin, était morte, que nous n'avions plus de cavalerie, et qu'avec ce qui restait, l'on avait formé un escadron, que l'on appelait l'escadron sacré, qu'il était commandé par le plus ancien maréchal de France, que les généraux y étaient comme capitaines, et que les colonels, ainsi que les autres officiers, servaient comme soldats, qu'il en était de même d'un bataillon que l'on appelait le bataillon sacré, enfin que de 40 000 hommes de cavalerie, il n'en restait plus que 1 000. Et sans lui donner le temps de me répondre, je lui dis que ce qu'il avait entendu était bien le signal de départ de la cavalerie russe, et que c'était cela qui l'avait fait sortir du caisson. « Oh, c'est pas tout à fait ça, mon pays, qui m'a fait décamper, mais bien que depuis quelque temps, je voyais vos dispositions à y mettre le feu. » À peine Picard avait-il prononcé le dernier mot qu'il me saisit par le bras en me disant « Silence, couchez-vous !» Aussitôt, je me jette à terre. Il en fait autant, et prenant la cuirasse que j'avais apportée, il en couvre le feu. Je regarde et j'aperçois la cavalerie russe défiler au-dessus de nous, dans le plus grand silence. Cela dura un bon quart d'heure. Aussitôt qu'ils furent partis, « Suivez-moi, » me dit-il, et nous tenant par le bras, nous nous mîmes à marcher dans la direction d'où venait la cavalerie. Après quelque temps, Picard s'arrêta en me disant tout bas, « Respirons, nous sommes sauvés, au moins pour le moment. » Nous avons eu du bonheur, car si l'ours, en parlant du cosaque blessé, s'était aperçu que les siens passaient si près de lui, il n'y a pas à douter qu'il n'eût beuglé comme un taureau pour se faire entendre, et Dieu sait ce qui serait arrivé. À propos, j'ai oublié quelque chose, et c'est le principal, il faut retourner d'où nous venons. Il se trouve sur le derrière du caisson, une marmite que j'ai oublié de prendre, et qui vaut mieux pour nous que tout ce qu'il y avait dedans. Comme il voyait que je n'étais pas trop de son avis, « Allons, marchons, » me dit-il, « où nous sommes exposés à mourir de faim. » Nous arrivâmes à notre bivac, nous trouvâmes notre feu presque éteint, et le pauvre diable de Cosaque, que nous y avions laissé, dans des souffrances terribles, se roulant dans la neige, ayant la tête presque dans le feu. Nous ne pouvions rien faire pour le soulager. Cependant, nous le mîmes sur des schabraques, des peaux de mouton, afin qu'il pût mourir plus commodément. « Il n'est pas encore prêt de mourir, » me dit Picard, « car voyez comme il nous regarde. Ses yeux brillent comme deux chandelles. » Nous l'avions presque assis, et nous le tenions chacun par un bras. Mais au moment où nous le quittâmes, il retomba la face dans le feu. Nous n'eûmes que le temps de le retirer, afin qu'il ne fût pas brûlé. Ne pouvant mieux faire, nous le laissâmes pour nous dépêcher de chercher la marmite, que nous retrouvâmes écrasée à ne pouvoir s'en servir. Cela n'empêcha pas Picard de me l'attacher sur le dos. Ensuite, nous essayâmes de monter la côte, afin de gagner, avant qu'il fît jour, le bois, où nous pourrions être à l'abri du froid et de l'ennemi. Après avoir roulé deux fois, du haut en bas, nous pûmes parvenir à nous frayer un chemin dans la neige. Nous arrivâmes en haut, précisément, en face de l'endroit où j'avais été précipité la veille, et où nous avions vu la cavalerie russe filer un instant avant. Nous nous arrêtâmes pour respirer et voir la direction que nous devions prendre. « Tout droit, » me dit Picard, « suivez-moi. » En disant la parole, il allonge le pas. Je le suis, mais à peine a-t-il fait 30 pas que je le vois disparaître dans un trou qui avait plus de 6 pieds de profondeur. Il se releva sans rien dire, et m'avançant son fusil, je l'aidai à sortir. Mais lorsqu'il fut retiré, il se mit à jurer contre le bon Dieu de la Russie et contre l'empereur Napoléon, qu'il traita de conscrit. Car il faut, disait-il, qu'il soit tout à fait conscrit pour être resté si longtemps à Moscou. 15 jours, c'était assez pour boire et manger tout ce qu'il y avait. Mais y rester 34 jours pour y attendre l'hiver, je ne le reconnais plus là. Oui, répéta-t-il, c'est un conscrit. et s'il était là, je lui dirais que ce n'est pas comme cela que l'on conduit des hommes. Qu'aucun de Dieu m'en a-t-il déjà fait voir des grises depuis 16 ans que je suis avec lui. En Égypte, dans les sables de la Syrie, nous avons souffert, mais ce n'est rien, mon pays, en comparaison des déserts de neige que nous parcourons, et ce n'est pas tout encore. Il faut vraiment avoir l'âme chevillée dans le ventre pour résister. Alors il se mit à souffler dans ses mains et à me regarder. « Allons, lui dis-je, mon pauvre Picard, ce n'est pas le moment de discuter. Il faut prendre un parti. Voyons plus à gauche si nous ne trouverons pas un meilleur passage. » Picard avait tiré la baguette de son fusil. Il allait toujours en sondant, mais partout à droite et à gauche, c'était la même chose. Nous finîmes cependant par opérer notre passage à l'endroit même où il était tombé. Lorsque nous fûmes sur l'autre bord, nous marchâmes toujours en sondant devant nous. Lorsque nous eûmes fait la moitié du chemin pour arriver au bois, nous fûmes arrêtés par un fond assez semblable à celui où nous avions passé la nuit. Sans trop calculer le danger, nous le traversâmes, et ce fut avec beaucoup de peine que nous arrivâmes de l'autre côté. Là, il fallut, tant nous étions fatigués, s'arrêter encore pour respirer. Un peu sur notre droite, l'on voyait arriver d'une vitesse à nous épouvanter des nuages noirs. Ces nuages arrivant avec le vent du nord nous annonçaient un ouragan terrible qui nous faisait présager que nous allions passer une cruelle journée. Le vent déjà se faisait entendre dans la forêt, à travers les sapins et les bouleaux, avec un bruit effrayant, et nous poussait du côté opposé à celui où nous voulions aller. Quelquefois nous tombions dans des trous cachés par la neige. Enfin, après une petite heure, nous arrivâmes au point tant désiré, et au moment où la neige commençait à tomber par gros flocons. L'ouragan était tellement violent qu'à chaque instant des arbres tombaient, cassés ou déracinés, menaçant de nous écraser, de sorte que nous fûmes forcés de sortir de la forêt et de suivre la lisière du bois, ayant le vent à notre gauche. Nous fûmes arrêtés dans notre marche par un grand lac que nous aurions pu facilement traverser puisqu'il était gelé, mais ce n'était pas notre direction. Enfin, ne pouvant plus marcher à cause de la quantité de neige qui nous empêchait d'y voir, nous prîmes le parti de nous abriter contre deux bouleaux assez gros, pour nous garantir et attendre mieux. Il y avait déjà longtemps que nous battions la semelle pour ne pas avoir les pieds gelés, quand je m'aperçus que le vent était tombé un peu. J'en fis l'observation à Picard, afin de nous disposer à changer de place. « À la bonne heure, mon bon ami, me dit-il, car il faudrait avoir le corps plus dur que du fer pour ne pas passer l'arme à gauche, au bout d'une heure que l'on resterait ici. » Nous avions déjà côtoyé une grande partie du lac, lorsque je vis Picard s'arrêter tout à coup et regarder fixement. Je l'interroge des yeux. Il me répond en me saisissant le bras et en me disant bas à l'oreille, « Bouche cousue !» Alors, me traînant sur la droite, derrière un buisson de petits sapins, et me regardant, il me dit encore à voix basse, « Vous ne voyez donc pas ?»« Je ne vois rien. Et vous, que voyez-vous »« De la fumée, un bivac. » Effectivement, je vis ce qu'il me disait. Une idée me vint. Je dis à Picard, « Si par hasard le feu que nous voyons était l'emplacement du bivac de la cavalerie russe que nous avons vu ce matin ?»« Je pense comme vous, me dit-il. Il nous faut agir comme s'ils étaient là. Ce matin, avant notre départ, nous avons commis une grande faute en ne chargeant pas nos armes lorsque nous étions près du feu. À présent, que nous avons les mains engourdies et que les canons de nos fusils sont remplis de neige, nous ne saurions le faire. Mais avançons toujours avec prudence. » La neige ne tombait plus que faiblement, et le ciel était devenu plus clair. Tout à coup j'aperçus sur le bord du lac et derrière un buisson un cheval qui rongeait l'écorce d'un bouleau. L'ayant fait remarquer à Picard, il pensa encore que ce pouvait être là que la cavalerie russe avait passé la nuit. Et comme le cheval n'avait pas de harnachement, c'était, disait-il, probablement un cheval blessé que l'on avait abandonné. À peine avons-nous fait cette réflexion que nous vîmes le cheval lever la tête, se mettre à hennir, ensuite venir tranquillement droit sur nous, s'arrêter contre Picard et le sentir comme s'il le reconnaissait. Nous n'osions dans cette situation ni bouger ni parler. Le diable de cheval restait toujours contre nous, la tête haute contre le bonnet à poil de Picard qui n'osait respirer, dans la crainte que ceux à qui il appartenait ne viennent le chercher. Mais ayant remarqué qu'il avait un coup de fusil dans le poitrail, nous n'eûmes plus de doute que le cheval était abandonné, ainsi que le bivac. En un instant, nous arrivons dans un espace assez grand, formant un demi-cercle, couvert d'abris et de plusieurs feux, de 7 chevaux tués et en partie mangés. Cela nous fit supposer que plus de 200 hommes y avaient passé la nuit. « Ce sont eux, dit Picard, en mettant les mains dans les cendres pour les réchauffer. Il n'y a plus de doute, car voilà un cheval jaune que je reconnais, Il était de la fête et m'a servi de point de mire. Je crois ne pas me tromper en vous disant que j'ai envoyé à son maître une commission pour l'autre monde. » Après avoir regardé si rien ne pouvait nous inquiéter, nous nous occupâmes de ravitailler un bon feu placé devant un abri fort épais, qui paraissait avoir été celui du chef de la troupe, car il avait été soigné en comparaison des autres. La neige avait tout à fait cessé de tomber, et au grand vent avait succédé un grand calme. Nous nous préparâmes à faire la soupe. Nous avions notre provision de viande de cheval que nous avions emportée le matin, mais nous jugeâmes convenable de la garder, puisque nous en avions autour de nous. Picard se mit de suite en besogne, et avec ma petite hache, il en coupa de la fraîche pour faire la soupe, et une autre provision pour emporter. Nous essayâmes d'enfoncer la glace pour avoir de l'eau, mais nous n'en eûmes ni la force ni la patience. Nous étions bien réchauffés, et l'espoir de manger une bonne soupe me donnait de la joie, tant il est vrai que lorsque l'on est dans la peine, il faut peu de choses pour nous rendre heureux. Cependant, notre marmite, dans l'état où elle était, ne pouvait nous servir, mais Picard, qui était très adroit, et que rien n'embarrassait, se disposa à la mettre en état de nous être utile. Ayant coupé un sapin, gros comme le bras, à un pied et demi de terre, pour lui servir d'enclume, et un autre morceau de la même longueur pour servir de marteau, qu'il enveloppa d'un chiffon afin de ne pas faire de bruit en frappant, il se mit bravement à faire le chaudronnier et à chanter, en frappant en mesure sur la marmite ces paroles qu'il chantait toujours à la tête de la compagnie dans les marches de nuit. « C'est mamie l'aveugle, c'est mamie l'aveugle, c'est ma fantaisie, j'en suis amoureux. » En entendant cette grosse voix qui semblait sortir d'un tonneau, je ne pus m'empêcher de lui dire « Mon vieux camarade, vous n'y pensez pas, ce n'est pas le moment de chanter. » Picard, levant la tête, me regarda en souriant, et sans me répondre, il continua. « Elle a le nez morveux et les yeux chassieux. C'est mamie l'aveugle, c'est ma fantaisie, j'en suis amoureux. » Picard, voyant que son chant ne m'amusait pas, cessa. Il me montra la marmite, qui avait déjà pris une autre forme. Elle était en état de service. « Vous vous rappelez, me dit-il, le jour de la bataille d'Eylau, lorsque nous étions en colonne serrée par division, sur la droite de l'église ?»« Certainement, lui dis-je. Il faisait un temps comme aujourd'hui. » Je dois d'autant plus m'en souvenir qu'un brutal de boulet russe m'enleva de dessus mon sac la marmite que je portais ce jour-là, pour mon tour. Mon pauvre Picard, vous devez vous en souvenir aussi. Par là, sacrebleu, si je m'en souviens, répond Picard. C'est pour cela que je vous en parle, et pour vous demander si l'industrie et le besoin auraient pu raccommoder votre marmite. Non, certainement, pas plus que les deux têtes qu'il emporta de Grégoire et de Lemoine. Diable, me dit Picard, comme vous vous rappelez leurs noms. Je ne les oublierai jamais, car Grégoire était védite comme moi, et de plus un ami intime. J'avais ce jour-là dans la marmite du biscuit et des haricots. Oui, répond Picard, qui fit mitraille sur nos frimousses. Coquin de Dieu, quelle journée encore que celle-là. En causant de la sorte, la neige fondait dans la marmite. Nous y mîmes de la viande tant que nous pûmes, afin qu'après en avoir mangé, il pût nous en rester assez de cuite pour la route que nous avions à faire. Ma curiosité me porta à voir ce que contenait la carnassière en toile que j'avais ramassée la veille auprès des deux malheureux que j'avais trouvés mourants sur le bord de la route. Je n'y trouvais que trois mouchoirs des Indes, deux rasoirs et plusieurs lettres écrites en français et datées de Stuttgart, à l'adresse de Sir Jacques, officier badois au régiment de dragons. Ces lettres étaient d'une sœur et pleines d'expressions d'amitié. Je les avais conservées, mais lorsque je fus fait prisonnier, elles furent perdues. Assis devant le feu à l'entrée de l'abri que nous avions choisi, le dos tourné au nord, Picard ouvrit son sac. Il en tira un mouchoir où, dans l'un des coins, il y avait du sel et dans l'autre du gruau. Il y avait longtemps que je n'en avais vu autant. Aussi je faisais des grands yeux, en pensant que j'allais manger une soupe salée au sel, moi qui depuis un mois en mangeais, ayant pour tout assaisonnement de la poudre. Il présida avec ordre à la cuisine, en mettant à part une partie du gruau pour la soupe, lorsque la viande serait cuite. Comme je me trouvais extraordinairement fatigué, et l'envie de dormir étant cette fois provoquée par la chaleur d'un bon feu, je témoignai le désir de me reposer. « Eh bien, me dit Picard, reposez-vous, enfoncez-vous sous l'abri, et moi, pendant ce temps, je soignerai la soupe. Cela ne m'empêchera pas de veiller au grain pour d'autres sûretés, en commençant par nettoyer nos armes, et ensuite les charger. Combien avez-vous de cartouches ? 3 paquets de 15. C'est bien, et moi 4, cela fait 500. En voilà plus qu'il n'en faut pour descendre 25 cosaques, si toutefois ils s'en présentent. Allons, dormez. » Je ne me le fis plus dire une seconde fois. Je m'enveloppai dans ma peau d'ours, et les pieds au feu, je m'endormis. Je dormais d'un profond sommeil lorsque Picard me réveilla en me disant « Mon pays, voilà je pense près de 2 heures que vous reposez comme un bienheureux. J'ai mangé, à présent c'est à votre tour, et à moi de me reposer, car je sens que j'en ai aussi bon besoin. Voilà nos fusils en bon état et chargés. Veillez bien à votre tour, et lorsque je me serai un peu reposé, nous partirons. » Alors il s'enveloppa dans son manteau blanc et se coucha. À mon tour, je pris la marmite entre les jambes. Je me mis à manger la soupe avec un appétit dévorant. Je crois que de ma vie, je l'avais mangée et ne mangerai avec autant de plaisir. Mon vieux grognard m'avait donné un morceau de biscuit gros comme mon pouce, pour, disait-il, me dégraisser les dents après avoir mangé ma viande. Après mon repas, je me levai pour veiller à mon tour. Il n'y avait pas 5 minutes que j'étais en observation, lorsque j'entendis le cheval blessé que nous avions trouvé en arrivant se mettre à hennir plusieurs fois, prendre le galop jusqu'au milieu du lac. Là, s'arrêtant, il en fit encore autant. Aussitôt, j'entendis d'autres chevaux lui répondre. Alors il prit sa course du côté où on lui avait répondu. À peine est-il parti que je me place derrière un massif de petits sapins, et de là, suivant sa course de l'œil, je le vois qui joint un détachement de cavalerie qui traversait le lac. Ils étaient au nombre de 23. J'appelle Picard, qui déjà dormait tellement fort qu'il ne m'entendit pas, de manière que je fus obligé de le tirer par les jambes. Enfin, il ouvrit les yeux. « Eh bien, quoi, qu'y a-t-il ? Aux armes, Picard, vite ! Debout, la cavalerie russe sur le lac, en retraite dans le bois !» Il fallait me laisser dormir, car nom d'un chien, je faisais déjà bonne chère. « J'en suis fâché, mon vieux, mais vous m'avez dit de vous prévenir. Il pourrait se faire que d'autres viennent de ce côté. »« C'est vrai, dit-il. Oh, scélérats de métier, où sont-ils ? » ?»« Un peu sur la droite et hors de portée. » Un instant après, 5 autres parurent qui passèrent devant nous, à demi-portée de fusil. En même temps, nous vîmes les premiers qui s'arrêtèrent et qui, mettant pied à terre, en tenant leurs chevaux par la bride, firent un cercle autour d'un endroit où probablement ils avaient la veille ou pendant la nuit cassé la glace afin de faire abreuver leurs chevaux, car on les voyait frapper avec le bois de leurs lances pour casser la glace nouvellement formée. Nous décidâmes de lever le camp et de plier bagages le plus promptement possible, et tâcher ensuite, par des manœuvres pour ne pas être vus, de rejoindre la route et l'armée, si nous pouvions. Il pouvait être 11 heures. Ainsi, jusqu'à 4, où la nuit commençait à venir, s'il ne nous arrivait pas d'accident, nous pouvions faire encore du chemin. Je ne pensais pas que l'armée fût bien loin, puisque les Russes nous attendaient au passage de la Bérézina, où tous ces débris étaient forcés de se réunir. Nous nous dépêchâmes. Picard mit dans son sac force provisions de viande. De mon côté, je fis comme je pus, en remplissant ma carnassière de toile. Picard voulut rejoindre la route par le chemin où nous étions venus, en suivant toutefois la lisière de la forêt. Car, disait-il, si nous sommes surpris par les Russes, nous avons toujours pour nous garantir les 2 côtés de la forêt, et dans le cas où nous ne rencontrerions rien, nous avons un chemin qui nous empêchera de nous perdre. Nous voilà en route, lui le sac sur le dos, avec plus de 15 livres de viande fraîche dans l'étui de son bonnet à poil, moi portant la marmite renfermant la viande cuite. Il me dit en marchant qu'il avait toujours eu pour habitude, lorsqu'il y avait plusieurs choses à porter, dans l'escouade, de se charger de préférence des vivres, quelle que fût la quantité, parce qu'en se chargeant des vivres, au bout de quelques jours, on finit par être le moins chargé. Et à l'appui de ce qu'il me disait, il allait me citer Ésope, lorsque plusieurs coups de fusil se firent entendre, paraissant venir de l'autre côté du lac. « En arrière, dans le bois, me dit Picard. » Le bruit ayant cessé, voyant que personne ne nous observait, nous nous remîmes à marcher. L'ouragan, qui avait cessé le matin, pendant que nous étions à nous reposer, menaçait de recommencer avec plus de force. Des nuages, comme ceux que nous avions vus le matin, couvraient cette immense forêt et la rendaient encore plus sombre, de manière que nous n'osions risquer de nous y engager pour nous mettre à l'abri. Comme nous étions à délibérer sur le parti qu'il convenait de prendre, nous entendîmes de nouveau coups de fusil, mais beaucoup plus rapprochés que la première fois. Nous vîmes 2 pelotons de Cosaques cherchant à envelopper 7 fantassins de notre armée, qui descendaient la côte et paraissaient venir d'un petit hameau que nous aperçûmes de l'autre côté du lac, adossé à un petit bois qui dominait l'endroit où nous étions, et où, probablement, ils avaient passé une nuit meilleure que la nôtre. Nous pouvions les voir facilement se porter en avant et faire le coup de feu avec l'ennemi, se réunir ensuite, puis battre en retraite du côté du lac, afin de gagner la forêt où nous étions, et où ils auraient pu tenir tête à tous les Cosaques qui les poursuivaient. Ils avaient affaire à plus de 30 cavaliers, qui tout à coup se partagèrent en 2 pelotons, dont un fit demi-tour et vint descendre sur le lac en face de nous, afin de leur couper la retraite. Nos armes étaient chargées, et 30 cartouches préparées dans ma carnassière, afin de les bien recevoir s'ils venaient de notre côté, et par là de délivrer ces pauvres diables, qui commençaient à se trouver dans une position difficile. Picard, qui ne perdait pas de vue les combattants, me dit « Mon pays, vous chargerez les armes, et moi, je me charge de les descendre, comme des canards. Cependant, continua-t-il, pour faire diversion, nous allons faire ensemble la première décharge. » Cependant, nos soldats battaient toujours en retraite. Picard les reconnut pour ceux qui, la veille, avaient pillé le caisson qu'ils gardaient, mais au lieu d'être 9, il n'était plus que 7. Dans ce moment, le peloton de cavaliers, qui avait fait demi-tour, ne se trouvait pas éloigné de nous de plus de 40 pas. Nous en profitâmes. Picard, me frappant sur l'épaule, me dit « Attention à mon commandement, feu !» Ils s'arrêtèrent étonnés, et un tomba de cheval. Les Cosaques, car c'en était, en voyant tomber un des leurs, s'étaient éparpillés. Deux seulement étaient restés pour secourir celui qui était tombé, assis sur la glace, appuyé sur la main gauche. Picard, ne voulant pas perdre de temps, leur envoya une seconde balle, qui blessa un cheval. Aussitôt, ils se mirent à fuir, en abandonnant leurs blessés, et en se faisant un bouclier de leurs chevaux qu'ils tenaient par la bride. Au même moment, nous entendons sur notre gauche des cris sauvages, et nous voyons nos malheureux soldats entourés par tout ce qu'il y avait de cosaques. À notre droite, d'autres cris attirèrent notre attention. Nous voyons que les deux hommes qui avaient abandonné leurs blessés étaient revenus pour le prendre, et n'ayant pu le faire marcher, l'entraînaient par les jambes sur la glace. Nous observions un cosaque qui avait été placé en observation, probablement pour nous, mais il regardait continuellement du côté où nous n'étions plus, par suite d'un mouvement que nous avions fait après notre première décharge. Nous pouvions facilement le voir sans être vus. Aussi, Picard ne pouvait plus se contenir. Son coup de fusil part et l'observateur est atteint à la tête, car au même instant, nous voyons qu'il chancelle, penche la tête en avant, ouvre les bras comme pour se retenir et tombe de son cheval. Il était mort. Au coup de fusil, ceux qui entouraient nos malheureux soldats se retournent, étonnés. Ils font un mouvement en arrière et s'arrêtent. Nos fantassins font une décharge sur eux, pour ainsi dire à bout portant, et 4 cosaques tombent du même coup. Alors des cris de rage s'élèvent de part et d'autre. La mêlée devient générale et un combat opiniâtre s'engage entre les deux parties. Au même moment, nous nous portons à 10 ou 12 pas en avant sur la place. Là, nous apercevons 4 des fantassins entourés par 15 cosaques. Nous les entendons crier et se débattre sous les pieds des chevaux. Les 3 autres étaient poursuivis dans la direction du bois qu'ils voulaient atteindre. Nous nous disposions à les soutenir d'une manière vigoureuse, quand tout à coup la tourmente qui nous menaçait depuis longtemps s'annonça avec un bruit épouvantable. La neige qui, depuis le commencement du combat, n'avait cessé de tomber, nous enveloppe et nous aveugle. Nous nous trouvons pendant plus de 6 minutes dans un nuage épais, et obligés de nous tenir fortement l'un à l'autre, afin de ne pas être enlevés par le vent. Tout à coup, et comme par enchantement, tout disparaît, et à 4 pas, nous voyons l'ennemi, qui, en nous apercevant, pousse des hurlements. Nos mains engourdies par le froid nous empêchent de faire usage de nos armes. Néanmoins, ils n'osent venir sur nous, et tout en leur faisant face, la baïonnette au bout du canon est croisée contre eux, nous regagnons le bois et eux s'éloignent au galop. À peine à l'entrée du bois, nous apercevons les 3 autres fantassins que 5 cosaques poursuivaient du côté opposé. Nous tirâmes 2 coups de fusil sur les poursuivants, sans résultat, et nous allions recommencer quand tout à coup, vers le milieu du lac, nous les voyons s'enfoncer et disparaître, ainsi que 2 cosaques. Les malheureux avaient passé à la place où le matin les Russes avaient cassé la glace pour faire abreuver leurs chevaux, et qui, recouvertes d'une autre glace non encore assez forte pour supporter le poids de plusieurs hommes, avaient été recouvertes à son tour par la neige. Un 3e cosaque, voyant disparaître les premiers, voulut retenir son cheval. Il le fit cabrer de manière qu'il était presque droit. Il glissa des pieds de derrière et se renversa de côté avec son cavalier. Il voulut se relever, glissa encore, mais cette fois pour disparaître avec celui qui l'avait renversé. Nous fûmes saisis d'horreur, et ceux qui nous poursuivaient, épouvantés et sans chercher à secourir leurs camarades, restaient immobiles sur le lac. Les 2 autres, qui suivaient de près, s'étaient arrêtés sur le bord du gouffre, et ensuite sauvés sur différents points. De l'endroit où nous étions, nous entendîmes quelques cris déchirants sortir du gouffre. Nous aperçûmes plusieurs fois la tête des chevaux. Ensuite, l'eau qui bouillonnait et jaillissait sur la glace. Un instant après, nous vîmes paraître 10 autres cavaliers, ayant à leur tête un chef. Plusieurs s'approchent de l'endroit sinistre, y enfoncent le bois de leurs lances et semblent ne pas y trouver le fond. Tout à coup, nous les voyons se retirer précipitamment, s'arrêter en regardant de notre côté, ensuite partir au galop. Nous les perdons de vue et tout rentre dans le calme. Nous nous retrouvions au milieu de ces déserts, appuyés sur nos armes, et regardant sur le lac les corps de nos malheureux soldats. À 20 pas à gauche se trouvaient 3 cosaques, qui paraissaient aussi ne plus donner aucun signe de vie. et celui que Picard avait atteint à la tête. Nous étions près du feu de notre bivouac et nous venions de nous retirer. Il se fit entre nous un silence de quelques minutes que Picard finit par rompre en me disant « J'ai une envie du diable de fumer. Une idée m'est venue de passer une revue sur ceux qui sont morts. J'aurais bien du malheur si je ne trouve pas de tabac. » Je lui observai que sa démarche était imprudente, que nous ne savions pas où étaient passés ceux qui se battaient contre les quatre premiers fantassins. Au même instant, nous aperçûmes une masse de cavaliers et de paysans portant de longues perches, venant dans la direction où ces malheureux s'étaient enfoncés sous la glace. Une voiture attelée de deux chevaux les suivait. « Adieu le tabac, me dit Picard. » Nous jugeâmes convenable de nous porter tout à fait à l'extrémité du bois, pour gagner la route, dans la crainte qu'ils le vinssent visiter le bivouac, où ils auraient pu penser que nous étions encore. Nous fîmes halte à l'extrémité de la forêt qui longeait le lac. Là se trouvait un abri, probablement le bivouac d'un poste de la veille. Il servit à nous cacher et à observer les Cosaques qui venaient de s'arrêter à la place où étaient les corps de nos soldats qui furent dépouillés en partie par les premiers et ensuite mis absolument nus par les paysans. Pendant cette opération, j'eus toutes les peines du monde à empêcher Picard d'en descendre quelques-uns. Ils avancèrent ensuite où étaient leurs Cosaques tués. Deux étaient ensemble, un troisième un peu plus loin, sans compter celui que Picard avait tué, un peu plus en avant sur notre droite. Nous pûmes remarquer que les deux premiers qu'ils levèrent pour mettre sur la voiture n'étaient pas morts. Les gestes que nous leur vîmes faire et les précautions qu'ils prirent nous le firent assez connaître. Ils s'arrêtèrent au troisième qui était bien mort. Et lorsqu'ils furent au quatrième, celui que Picard avait tué, « Ah, pour celui-là, dit-il, je réponds de son affaire. » Effectivement, on le releva sans cérémonie, et on le mit sur la voiture, qui de suite reprit la route par où elle était venue, accompagnée de deux Cosaques et de trois paysans. La plus forte partie de la troupe continua son chemin vers le gouffre, avec les paysans portant des perches et des cordes, et lorsqu'ils furent arrivés, nous leur vîmes faire des dispositions pour en retirer ceux qui y étaient tombés.